te supplie de toucher. Laisse mon cœur battre pour toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. J'ai envie de te chercher et de te trouver. Je supplie de te toucher. Mon plaisir à te mêler. Laisse mon cœur battre pour toi. Pour toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. J'ai envie de te chercher. J'ai envie de te chercher et de te trouver. Oh, Seigneur. Laisse mon cœur battre pour toi, et Seigneur. Que ton amour remplisse mon âme. Ton absence est si lourde et mon âme ne supporte plus. Efface le péché qui m'éloigne de toi pour que je sois régénéré. Au fond de moi, J'ai envie de te chercher, de te trouver. Et de te trouver. De supplier, de te toucher. J'ai plaisir à te mêler. Laisse mon cœur battre pour toi. Pour toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Pourrais-je enfin